Bon appétit, messieurs. Ô ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillaient la maison. Donc vous n'avez pas honte, et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeur, qui venez le voler dans sa tombe. Mais voyez, regardez, ayez quelque pudeur. L'Espagne est sa vertu, l'Espagne est sa grandeur, tout s'en va. Nous avons, depuis Philippe IV, perdu le Portugal, le Brésil, sans combattre, en Alsace, Brisac, Steinfort en Luxembourg, et toute la comté jusqu'au dernier faubourg, le Roussillon, Hormuz, Goa, Saint-Mille-le-Lieu de Côte, et Pernambouc, et les Montagnes Bleues. Mais voyez, du Ponant jusqu'à l'Orient, l'Europe qui vous est, vous regarde en riant. Comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme, la Hollande et l'Anglais partagent ce royaume. Rome vous trompe. Il ne faut risquer qu'à demi une armée en Piémont, quoique pays ami. La Savoie et son duc sont pleins de précipices. La France, pour vous prendre, attend des jours propices. L'Autriche aussi vous guette. Et l'infant bavarois se meurt, vous le savez. Quant à vos vice-rois, Médina, fou d'amour, emplit Naples d'esclandre. Vos démons vont Milan, le Gagnès perd les Flandres. Quel remède à cela? L'État est indigent, l'État est épuisé de troupes et d'argent. Nous avons, sur la mer, où Dieu met ses colères, perdu 300 vaisseaux, sans compter les galères. Et vous osez. Messieurs, en 20 ans, songez-y, le peuple, j'en ai fait le compte et c'est ainsi, portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie, pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, le peuple misérable et qu'on pressure encore, a sué 430 millions d'or. Et ce n'est pas assez. Et vous voulez, mes maîtres, ah, j'ai honte pour vous.